à ma santé. Chin chin, je veux t'oublier. Depuis que tu es parti, je me noie dans le whisky. Chin chin, encore une fois chin chin, oh yeah. Chin chin, à mes amours. Elles me reviennent un jour. Je suis prêt à lui pardonner, car entre nous tout peut recommencer. Tchin tchin, mais jusque là tchin tchin, oh yeah. Je t'imagine blotti dans ses bras, lui disant des mots doux. Moi tout seul je reste planté là. Chin chin, je me sens bien. Chin chin, avec mon chagrin. Je n'ai plus qu'à continuer. C'est bien comme ça qu'on enterre le passé. Chin chin, encore une fois chin chin. Oh yeah. Jusque là, chin chin, oh yeah.